veux pas entendre parler des BD. On les entend partout dans les radios, même dans les CD. Ils ont même le droit de faire des pornos films des BD. Pour la jeunesse de demain, toute ma commence à pour nous, c'est danger. Il ne faut pas les céder. Les ouvres, les fêles en mou, choisis l'homme ou bien l'enfant. Ménagement sont en forme, qui rien mais moins contre femme. Si ouvine tout est, c'est que papa ou t'es coqué en forme. Gardez dans la jeunesse, ça que papa nous t'es écrit. C'est bien Adam et Eve, premier sous terre, pas Jacques et David. Alors si imbécile, pas besoin de faire moun sensible. Pas besoin de faire moun docile, pas besoin de faire moun fragile. Tout le monde qui a fait ma coumette, ben ici je ne veux pas entendre parler des BD. On les entend partout dans les radios, même dans les CD. Ils ont même le droit de faire des pornos, films des BD. Pour la jeunesse, de demain, toute ma commence à pour nous, c'est danger. Il ne faut pas les céder, moi j'entends parler des BD. On les entend partout dans les radios, même dans les CD. Ils ont même le droit de faire des pornos, films des BD. Pour la jeunesse, de demain, toute ma commence à pour nous, c'est danger. Il ne faut pas les céder, ok. Enlève tes pattes de bambou classe, soit j'te calme, soit j'te clash. J'aime pas les boules qui se dilatent, les pouces merdes aux gros homoplates. Change de cap, banalise rap, c'est handicap. Mène pour l'avenir de la race humaine, moi y'a trop de choses qui m'échappent. Une chaîne rose de bas à quatre pattes pour des fesses plates. Je sais même que ça se passe, normal. Et là ça se gâte, car des orphelins sont adoptés par des joyeux qui statent. Pour nos gosses de demain, là ça sent la patate. On ne peut pas parler des BD, on les entend partout dans les radios, même dans les CD. Ils ont même le droit de faire des pornos, films des BD. Pour la jeunesse de demain, toute ma commence à pour nous, c'est danger. Il ne faut pas les céder, moi j'entends parler des BD. On les entend partout dans les radios, même dans les CD. Ils ont même le droit de faire des pornos, films des BD. Pour la jeunesse de demain, toute ma commence à pour nous, c'est danger. Il ne faut pas les céder, ok. Message pour tout parent qui gagne son petit mignon. Petit fils ou gain zami qui peut-être poter longtemps. Ma si comment c'est pitié, mais depuis le rémé pitié. Tout deux rémé mes crédits, ça c'est un réel souci. Il compte tout ça qui beau, mais il pas compte tout ça qui belle. Yo fait bully building, mais yo poté en string. Yo dit yo jouer football, yo dit yo jouer Game Boy, pas dis-moi moi pas bleu ouais. Yo jouer ma couette. On entend parler des BD, on les entend partout dans les radios, même dans les CD. Ils ont même le droit de faire des pornos comme des BD. Pour la jeunesse de demain, toute ma commence à pour nous c'est danger. Il ne faut pas les céder, moi j'entends parler des BD. On les entend partout dans les radios, même dans les CD. Ils ont même le droit de faire des pornos comme des BD. Pour la jeunesse de demain, toute ma commence à pour nous c'est danger. Il ne faut pas les céder, ok. Les yo fait l'amour, c'est non boîte à camembert. Pas étonnant ici, que yo senti calembert. Gardez sous internet, ça yo fait, ça c'est pas net. Yo tout qu'un site web, ça c'est wanted. Y'a quoi des gueux de tarot, comme un véritable hétéro. Où est le plaisir de l'homo, quand il plante un pectoral. 30 euros par les cornes, quand vous foutez la norme. WWW.com, parler des BD. On les entend partout dans les radios, même dans les CD. Ils ont même le droit de faire des pornos comme des BD. Pour la jeunesse de demain, toute ma commence à pour nous, c'est danger. Il ne faut pas les céder, moi j'entends parler des BD. On les entend partout dans les radios, même dans les CD. Ils ont même le droit de faire des pornos comme des BD. Pour la jeunesse de demain, toute ma commence à pour nous, c'est danger. Il ne faut pas les céder. Ha! Haïti pas besoin PD, les Antilles pas besoin PD, la France pas besoin PD, la Grèce pas besoin PD, l'Afrique pas besoin PD, Asie pas besoin PD, l'Océan pas besoin PD, l'Afrique pas besoin PD. Faut nous pas oublier que nous toutes ces vies happy.